Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Tu le sais, l'inspiration vient des muses. Aussi, avant de commencer à raconter son aventure, le poète tourne son joli minois en direction du ciel et laissant glisser ses doigts sur les cordes de sa précieuse forminx, il demande... Chante déesse la colère d'Achille qui a causé tant de malheurs aux Grecs et les a plongés dans des abîmes de douleur. Lorsque l'Iliade débute, la terrible guerre de Troie qui oppose les Grecs aux Troyens fait rage depuis presque 10 ans. Dans les camps grecs, rien ne va, c'est carrément la catastrophe. Depuis 9 jours, Apollon fait pleuvoir les flèches noires de la peste. Les hommes tombent comme des mouches, les uns après les autres. Ils succombent dans d'atroces souffrances. Comme si ce n'était pas suffisant, le matin du 10e jour, une violente dispute éclate. Achille, le plus vaillant des guerriers grecs, engueule leur chef, le grand roi Agamemnon, comme du poisson pourri. Il est fou de rage. Peu cher, le roi veut lui ravir Briséis, sa tendre bien-aimée. Hé, hey, Agamemnon, face de chien, tu m'entends ? Lui dit-il, le visage rouge comme un piment. Tu as de l'or à revendre, tu as absolument tout, et tu voudrais en plus me prendre Briséis ? De quelle sorte d'homme es-tu ? Le roi ne dit rien. Les yeux brillants, il le fixe du regard, comme s'il était en train de lancer des flammes avec ses pupilles. Ça, par exemple, se croit-il doté de pouvoirs magiques ? Achille, en tout cas, ne se laisse pas impressionner. Il continue. Ma parole ! On dirait qu'il a mangé du... Mais non, voyons, plutôt du... Et d'ailleurs, rappelle-moi pourquoi nous battons-nous, au juste ? Que nous ont fait les Troyens ? Jamais ils n'ont brûlé nos bers, ni volé nos bœufs. Pardon, c'est l'émotion. Jamais ils n'ont brûlé nos terres, ni volé nos bœufs. Si nous sommes venus jusqu'ici, c'est uniquement pour te faire plaisir et venger ton frère, le roi Ménélas. En plus, t'es plus feignant qu'une pantoufle. Qui se tape le sale boulot sur le champ de bataille ? C'est toi, peut-être ? Non, c'est moi ! Et cette fois, j'en ai ras la totoge. C'est fini, tu m'entends ? Je rentre au bercail ! Salut ! Pars ! Mais pars ! Lui répond alors Agamemnon. Tu crois peut-être que je vais te supplier de rester ? Mais rentre chez toi, va ! De toute façon, je te déteste. Tu es fort, c'est vrai, mais n'oublie pas que ta force, tu la dois à ta mère. Tu prétends être un héros ? C'est ça, oui ! À d'autres ! Parle plutôt d'un petit-fils à sa mamounette, oui ! Achille n'en peut plus. Il a envie de lui arracher la tête ! Que faire ? Le zigouiller ? Oh oui ! C'est vrai que c'est tentant. Ça lui picote au bout des doigts, ça le démange. Et tandis qu'il s'apprête à saisir son épée, Athéna apparaît soudainement dans son dos. D'un coup sec, elle lui tire les bouclettes, puis elle lui glisse à l'oreille. Achille, malheureux, n'enfonce pas ta lame dans sa chair encore fraîche. Calme ta fureur, réfléchis. Si vous vous entretuez, comment comptez-vous gagner la guerre contre les Troyens ? Blesse-le si tu veux, mais fais-le avec les mots. Achille a le sang chaud, mais il n'est pas idiot. Il sait qu'il faut obéir aux dieux. Alors, il respire un bon coup, puis il reprend de plus belle. Sac à vin ! Rat perfide et rampant ! T'es pas un roi ! T'es un ogre qui adore dévorer son peuple ! Tu veux Briséis ? Eh bien, soit, prends-la, mais je te préviens ! Je t'obéis plus ! J'arrête le combat ! Achille ne portera plus jamais une seule arme au nom d'Agamemnon ! Là-dessus, il s'en va en empruntant un petit chemin bordé de pins qui mène directement à la mer. Dans le camp grec, déjà, l'inquiétude monte. Par Dionysos, comment peuvent-ils espérer la victoire sans leur puissant rempart contre les Troyens ? Tout cela, Achille s'en fiche. Seul, à l'abri des regards, devant les flots infinis, il éclate en sanglots. Sous son torse velu, son cœur saigne. Tordu par la douleur, il gémit et il crie. Briséis ! Mon amour ! Où le destin, ce chacal, emporte-t-il tes belles joues ? Et comme nous le faisons tous, à un moment ou un autre de notre vie, il appelle sa maman à la rescousse. Et oui, il a besoin d'un gros câlin et aussi d'un petit coup de pouce. Tétis, nymphe de la mer, sors des eaux et vole au secours de ton fils. Depuis les profondeurs, la mère entend le puissant appel de son enfant. Ni une ni deux, elle remonte à la surface et bondit hors de l'eau comme une furie en faisant mille éclaboussures. M'as-tu donné la vie pour que je serve de paillasson ? Demande Achille, les yeux pleins de colère. Agamemnon a essuyé ses pieds tout crottés sur mon honneur. Venge-moi, maman ! Va trouver Zeus et demande-lui de faire perdre les Grecs. Oui, je veux voir les Troyens triompher et Agamemnon pleurer, écrasé comme un cloporte sous un gros coup de sandale. Et ainsi, Tétis, enveloppé dans sa robe de nuages, s'envole dans l'immense ciel en direction de l'Olympe, la demeure des dieux éternels. Mais, zut, Zeus n'est pas là. Il s'est rendu à un banquet au bord de l'océan chez les Éthiopiens parfaits et irréprochables. Tant pis, la nymphe patiente. Enfin, lorsque pointe la 12e aurore, il est de retour. Le roi des dieux n'est pas enchanté par la demande de la déesse. Il le voit gros comme un char de combat. S'il se mêle de cette satanée guerre, Héra, sa femme, va encore lui chercher des noises. Mais enfin, bon, allez, hein. Pourquoi pas, c'est d'accord. Il vengera l'honneur d'Achille, le guerrier aux pieds rapides. Et maintenant, voyons, comment s'y prendre ? Eh bien, Zeus va préparer une petite farce, ou disons, un piège. Bah quoi ? Oh, ça va ! Oui, c'est cruel, mais... qui a dit que les dieux étaient de gentils personnages ? Le soir même, il envoie un mauvais songe, visiter Agamemnon dans son sommeil. Ce dernier est ravi, tu parles, il adore jouer de vilain tour aux humains. Lorsqu'il arrive dans la tente d'Agamemnon, le mauvais songe se place au-dessus de la tête du roi. Et après avoir remarqué, tiens, que son crâne est vraiment dégarni sur le dessus, il lui tient à peu près ce langage. Comment ? Tu roupilles, le roi des rois ? Écoute-moi bien, car je t'apporte un message de Zeus. Arme les Grecs en vitesse et dirigez-vous vers Troie. Tous les dieux sont d'accord. Ils vont vous faire gagner. Je répète, ils vont vous faire gagner. Puis il s'en va sur la pointe des pieds. Oh pétard, ça ne loupe pas, il se prend un pain en pleine face juste avant de s'envoler. Et voilà, il a encore trop bu de nectar. Le lendemain, lorsque paraît l'aurore aux doigts de rose, Agamemnon se réveille d'excellente humeur. Qui a besoin de ce sac de patates, là, hein ? Comment il s'appelle déjà ? Ah oui, Achille. La victoire, il l'obtiendra sans lui, et le jour même. C'est une certitude, puisque les dieux lui ont annoncé en rêve. Pauvre roi, pauvre fou, il ne se doute pas un seul instant que Zeus l'a roulé dans la farine. Sans attendre, Agamemnon fait appeler les soldats. Comme les abeilles qui sortent de la ruche, les troupes se rassemblent. Mais la guigne, sa chahute, les guerriers ne sont pas contents. Ils en ont marre, ils sont fatigués. Sans Achille, ils courent à la catastrophe, ils veulent rentrer chez eux. C'est alors que la voix d'Ulysse, l'homme aux mille ruses, s'élève de la foule. Grec, attendez, ne partez pas si vite. Si nous rentrons maintenant, qu'aurons-nous à dire à nos enfants ? Que nous avons fui comme des lâches ? Oh les cœurs, nous n'avons pas encore perdu. Rappelez-vous la prophétie de Calchas, notre plus grand devin. La 10e année du siège, Troie, aux solides murailles, l'illustre cité du roi Priam tombera. Allons, nous sommes tout près du but. Bientôt, nous prendrons la ville. Comme la vague qui tape de toutes ses forces contre les rochers, d'immenses cris de joie retentissent parmi les soldats. La vache, oh, Ce qu'il est fort, avec ses douces paroles, Ulysse a réussi à calmer la colère des Grecs. Mais le temps n'est pas à la cajolerie. Le combat approche, il faut s'y préparer. Les soldats astiquent leurs boucliers de bronze, ils s'échauffent les poignets, les chevilles, ils aiguisent leurs lances et surtout, ils font des sacrifices pour demander la protection des dieux. Eh oui, pas bête, personne n'a envie d'y laisser sa peau. Enfin, ils prennent la route. Assis sur un rocher, Achille les regarde partir. Adieu, mes amis. Soupire-t-il, la larme à l'œil. Il l'a sacrément mauvaise. La bataille, les cris, la sueur, c'est toute sa vie, son cœur ne bat que pour ça. L'armée d'Agamemnon a fière allure. Combien de guerriers marchent comme un seul homme en direction de Troie ? Impossible à dire. Il y a là toutes les tribus de la Grèce et parmi elles... Oh, tiens, tiens, Athéna aux yeux de chouette. Elle se faufile à droite et à gauche. Elle allume dans le cœur de chaque soldat le feu de la guerre. Elle leur donne le courage. Elle leur donne la force de combattre jusqu'à la fin. En avant, en avant ! Les boucliers scintillent sous les rayons du soleil. De loin, on dirait un immense incendie en train de dévorer le monde. Déjà, ils traversent la plaine de Scamandre. La terre tremble sous leurs pas. Dans la ville de Troie, jeunes et vieux se sont réunis. Un messager les a prévenus il y a quelques minutes de l'arrivée imminente des Grecs. Sur les remparts, ils guettent, ils scrutent, ils attendent. Ils attendent. Ils sifflotent. Ils croquent une pomme. Et ils se servent un petit jus. Deux petits jus. Les glaçons fondent. Ils attendent encore. Pétard, ne me dis pas que l'armée d'Agamemnon s'est trompée de chemin. Le grand combat va-t-il enfin avoir lieu? Le piège de Zeus va-t-il se refermer sur les ennemis de Troie? Minx, mais qu'est-ce qu'une forminx ? Eh bien, c'est un instrument de musique à quatre cordes, un peu comme une lyre, dont se servaient les poètes de l'Antiquité pour raconter leurs aventures. Selon la légende, la forminx aurait été inventée par le dieu Hermès. Il se serait servi d'une carapace de tortue et de deux cornes d'antilope pour accrocher les cordes. Dis donc, ingénieux le nieu ! Quant au nectar, dont je t'ai parlé un peu plus tard, il s'agit de la boisson préférée des dieux. Tchin tchin, les Olympiens! Tu as envie de prolonger le voyage? Bonne nouvelle! Les Odyssées existent désormais en livre. Retrouve Calamity Jane, le monstre du Loch Ness, Marco Polo et bien d'autres fantastiques aventures dans un livre magnifiquement illustré. Une coédition France Inter.